Bien, c'est un grand privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui. C'est la première fois que je viens ici dans votre église, mais la région ici est importante pour moi. Voyez-vous, je suis né à Toronto, mais à l'âge de 7 mois, j'avais déjà beaucoup de discernement et j'ai décidé d'aménager à Halifax, de quitter Toronto. Mon père avait servi dans la marine canadienne pendant la Deuxième Guerre mondiale et après la guerre, il a décidé de rester dans la marine et on a demeuré à Halifax. Mais quand j'avais 12-13 ans, mon père était envoyé à Sorel pour surveiller la construction de bateaux chez Marine Industries, des destroyers pour la marine canadienne. Et voilà, il n'y avait pas d'école française à mon niveau. Alors, moi, j'ai été fini mon secondaire à l'école en français. C'est là que j'ai pris le français à Sorel. Puis on demeurait, on était une grande famille, puis on demeurait pas loin de Saint-Ours, alors pas loin d'ici. Je me souviens très bien que, comme jeune homme, mon père ne parlait pas du tout français. Mon frère était à l'école, la petite école anglaise qui existait. Moi, j'étais vraiment le seul qui parlait français. Et on allait chez un boucher à Saint-Ours prendre la viande. Et il y avait toujours une grande pile de côtes levées sur le comptoir. Puis mon père aimait les côtes levées. On était 5 garçons, on avait toujours faim. Et mon père me dit, « Dites-lui combien ?» J'ai dit, combien des côtes levées? Elle a dit, oh, vous avez un chien. Gratuit pour le chien. À cette époque-là, il semblerait que les Québécois ne mangeaient pas les côtes levées. Alors, mon père a dit, beaucoup chien. Il ne parlait pas français, mais quand il voulait, il pouvait dire des mots. Alors, chaque semaine, on revenait avec un rôti de bœuf et avec des côtes levées pour le chien que les 5 garçons ont mangé. Saint-Hilaire, j'étais une fois, notre chien était frappé par un auto et il fallait le faire soigner. Puis la vétérinaire la plus proche, était ici à Saint-Hilaire. Puis c'est ici qu'ils ont endormi mon chien. Alors, je n'ai pas de bons souvenirs de Saint-Hilaire, excusez-moi. À Sorel, il n'y avait pas d'église évangélique, ni en français, ni en anglais. Et jeune chrétienne que j'étais, je me suis convaincu qu'un jour, je vais retourner au Québec pour l'Évangile. Et en 1968, je suis revenu dans la ville de publication chrétienne. Je suis depuis toujours, depuis 57 ans, préoccupé par l'importance de former leaders d'Église. Que ce soit les écoles dimanche, les groupes de jeunes, les diaconats, les anciennes, les personnes à temps plein, les personnes qui ne sont pas à temps plein. Le Québec a désespérément besoin de leaders dans notre Église. Et une des choses, après 57 ans dans le travail du Seigneur, et j'ai eu le privilège de travailler au Congo, en France, en Suisse, Côte d'Ivoire un peu, même le Singapour, je remarque qu'il y a une chose qui manque, c'est la persévérance. Parce que faire l'œuvre de Dieu, c'est difficile. Et parfois, c'est décourageant. Okay? On peut se décourager. Mon beau-frère, qui est canadien, mais qui quand même travaille aux États-Unis depuis très longtemps dans une église, mais il m'a dit que dans les baptistes du Sud, la plus grande dénomination de baptistes, ils ont des dizaines de milliers d'églises, il m'a dit qu'un pasteur en moyenne, après sa formation, tough, persévère 3 ans dans son église avant de vendre assurance ou autre chose. 3 ans, puis abandonne le ministère. Je parlais dernièrement, il y a quelques années, avec un des directeurs de l'école de formation, Dallas Theological Seminary, puis il me disait qu'il a fait une étude de leur diplômé, qui avait un doctorat, et il a découvert que moins de 20% de ces personnes-là étaient encore actives dans l'église locale après 5 ans. Il me dit ceci, puis ça fait quelques années, il dit, ça nous coûte $1 million pour donner un doctorat à ces personnes-là. Ce n'est pas ça qu'ils payent, mais c'est ça que ça coûte à l'école avec les bourses et tout. Puis, si on était une entreprise publique, puis notre produit, ça fait 10 ans, à 5 ans, puis ça coûtait $1 million, mais on fermerait les portes. Hein? On fermerait les portes. Qu'est-ce qui arrive? Je dis ça pour simplement vous dire que je travaille depuis un certain temps avec avec Jean-Claude, on parle un peu des églises, de l'œuvre de Dieu. Je suis convaincu que la persévérance est un des aspects les plus importants quand on veut servir le Seigneur, puis un des aspects les plus difficiles. Moi, j'ai été découragé dans ma service chrétienne. Nous avons tous vaincu, ma femme et moi. Moi, j'ai été battu dans un restaurant par un membre de l'Église qui n'était pas content parce qu'on a mis sous discipline pour l'immoralité. On a eu des appels à 3 heures du matin nous menaçant de mort. On a vécu beaucoup de découragement des personnes qui nous ont attaqués. Puis vous savez ça, vous. Vous aussi, certains de vous, vous avez vécu des moments de découragement. Et l'apôtre Paul aussi a vécu des découragements, et surtout dans l'église de Corinthe, où il a travaillé peut-être le plus longtemps que toute autre église qu'il a fondée, où il a travaillé sans prendre un sou de l'église, sans salaire, et fidèlement, puis on a attaqué méchamment. Okay? Puis il a persévéré. Et voilà ce que nous allons regarder ce matin dans 2 Corinthiens chapitre 6. Si vous ouvrez vos Bibles ou vos tablettes, ou je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Et on va regarder le chapitre 6 de 2 Corinthiens, verset 1er. Et nous allons commencer par le lire. Et après ça, on va essayer l'exposer. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandable à tous égards, comme, excusez avec mes yeux, est-ce que, bon, c'est pas grave, mais nous nous rendons recommandable à tous égards comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons toujours, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses, et notre boucle s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme mes enfants, élargissez-vous aussi votre cœur. Vous m'excuserez, j'ai été opéré aux yeux il y a quelques mois, puis ça revient graduellement. Bien, j'ai une esquisse, voir ce qu'on va avoir aujourd'hui dans 6 points. On va faire une introduction. On va regarder que c'est un privilège pour Paul d'être dans l'œuvre de Dieu. Il fait un plaidoyer au verset 2. Au verset 3, il parle de l'importance de ne pas être en scandale. Dans les versets 4 et 7, dans le cœur de son discours ici, il parle de l'endurance, la patience. Persévérance. Dans les versets 8 à 10, il parle d'un paradoxe ou des paradoxes. Et dans le sixième point, dans les versets 11 et 13, il parle d'une réconciliation possible. Puis on va tirer une conclusion. Commençons par le privilège versé par l'introduction. Paul avait fondé l'église en Corinthe, puis il y avait passé environ 2 ans et demie. Mais après son départ, des leaders de l'extérieur, et peut-être quelques-uns de l'intérieur, avaient commencé à attaquer Paul et son enseignement. Jalousie, aussi des personnes qui venaient de Jérusalem, qui voulaient imposer le judaïsme, certaines circoncisions, des choses comme ça, à l'église, ils attaquent Paul. Et Paul a écrit au moins 4 lettres à ces églises-là, dont il est mention dans la parole de Dieu. Les épîtres de 1 Corinthiens et 2 Corinthiens sont 2 de ces lettres-là, puis ils ont été inspirés par Dieu, puis ils font partie de la canon biblique. Ils sont dans notre Bible, c'est la parole de Dieu. Paul les écrit inspirés, ou plutôt expirés, le mot grec c'est expirés, pas inspirés. Le Saint-Esprit de Dieu a soufflé. Paul a écrit, pas une dictée, mais quand même a guidé chaque mot, chaque pensée. Et les 2 autres lettres, qui dans la providence de Dieu ont été perdues, et donc n'ont aucune valeur pour l'Église aujourd'hui. Puis je fais un petit graphique ici pour nous aider. Paul a fondé l'Église, Actes chapitre 18, environ 52 après Jésus-Christ. Et il écrit Corinthiens A, la première lettre, Corinthiens A, il est mentionné, cette lettre-là est mentionnée dans 1 Corinthiens 5, verset 9. Avant que Paul écrit 1 Corinthiens, il écrit une autre lettre, nous avons perdu, pas inspiré. Après ça, Corinthiens B, deuxième lettre, c'est 1 Corinthiens. Paul était à Éphèse, environ 55 avant Jésus-Christ, puis il écrit le 1 Corinthiens. Ensuite, il a fait une deuxième visite. Et cette visite-là, on appelle un fiasco. Il est allé à Corinthe, puis ça a mal été. On a rejeté son autorité, on a été méchant avec lui. Il y avait des personnes qui l'ont rejeté. Il écrit une troisième lettre, Corinthiens C, qu'on appelle la lettre sévère dans 2 Corinthiens chapitre 2, que nous ne possédons pas, mais c'est certain que Paul a chicané l'Église, les asservements repris. Et après ça, il a écrit Corinthiens D, qui est 2 Corinthiens que nous regardons aujourd'hui, environ 5 ans 6 avant Jésus, après Jésus-Christ. Ensuite, il a fait une troisième visite à Paul, une troisième visite, et c'est de là qu'il écrit l'Épître aux Romains. Quelqu'un m'a posé la question ce matin, quand est-ce que l'Épître aux Romains a été écrit? Quand Paul était à Corinthe, après 56, puis avant 60, quelque part dans cette section-là. Maintenant, il faut comprendre que Paul est apôtre. C'est l'un des 12 appelés par Dieu pour fonder son Église. Il est la fondation de l'Église. Non seulement qu'il est apôtre, mais il est l'apôtre pour les non-juifs. Dieu lui avait révélé son message et celui de l'Évangile. Il avait confié à Paul le message pour annoncer ses vérités à travers l'Empire romain. Tout l'Empire romain, Paul l'a visité pour fonder les églises, pour annoncer l'Évangile. Et il a aussi confié à Paul la responsabilité d'écrire. Écrire pour nous. Pour nous, ces vérités-là. Et nous sommes donc bénis de voir les 13 épîtres de Paul, 2 Corinthiens, Romains, tous ces épîtres-là très importants. Rejeter Paul, c'est rejeter l'Évangile. Ça revient à la même chose. En lisant 2 Corinthiens, et particulièrement le chapitre 6, nous pouvons avoir l'impression que Paul est orgueilleux, que Paul se prend pour quelqu'un. Okay? Mais non, Paul réalise que l'Évangile qu'il prêche, la vérité qu'il enseigne, vient directement de Dieu pour ces personnes-là. Son autorité n'est pas personnelle, c'est l'autorité de la parole de Dieu que Dieu lui a confiée. C'est pas l'orgueil, c'est de prendre ses responsabilités. Rapidement, esquisse de ces versets. D'abord, Paul fait une exhortation de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Versets 1 et 2. Tu as reçu la vérité, il ne faut pas que tu perdes, que tu es loin de cette vérité-là. En vain, vanité vide. Versets 3 et 4, Paul annonce le point principal de ces versets-là. Dans le troisième point, versets 4 à 10, il présente le style de vie du ministère de Paul. Vous voulez servir le Seigneur et je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui servent le Seigneur dans l'église locale. Et voilà le modèle d'un vrai serviteur. Puis dans un monde de super prédicateurs à la télévision qui vivent dans le grand luxe et qui ont un message qui est souvent douteux, un style de vie qui est scandaleux et souvent, Paul est un modèle d'un style de vie d'un vrai ministère pour chacun de nous. Il fait au verset 11 une conclusion concernant le fait qu'il est intègre dans sa relation avec les Corinthiens. Oh, chers amis, nous avons besoin de leaders dans l'église locale, que ce soit un ministère quelconque où il y a de l'intégrité, une intégrité morale, intellectuelle, doctrinale, des finances, toutes ces choses-là, l'intégrité. Puis, enfin, Paul termine par en disant aux Corinthiens, notre communion est brisée, notre relation est brisée, on doit régulariser nos relations. Voilà qu'est-ce qu'on va voir ce matin. Commençons donc avec le privilège. J'espère que vous pouvez me suivre, oui, vous êtes bon. J'utilise un PowerPoint détaillé parce que vous n'avez pas encore remarqué, mais j'ai un tout petit accent. Et vu que vous ne me connaissez pas, vous pouvez peut-être avoir de misère à me suivre des fois. Alors, ça vous aide un peu sur l'écran. Aussi, j'ai le privilège d'enseigner dans beaucoup d'églises. Je suis membre de l'église baptiste de Schwingen Sud. Je travaille étroitement avec Mathieu Caron dans l'école de formation et dans d'autres choses. J'enseigne dans cette église-là. Mais j'enseigne dans une dizaine d'églises différentes dans une année. Et dans plusieurs de ces églises-là, on a, je pense, à Trois-Rivières, une petite église où il y a une dizaine de langues différentes. Alors, je prêche en anglais ou en français. On a des PowerPoints en anglais et en français. Il y a un petit coin avec des Chinois qui se traduisent, des Filipinos, des Arabes, des personnes d'Amérique du Sud en espagnol. Alors, j'utilise des PowerPoints détaillés à cause de cela. Le mot grec ici qui traduit « nous travaillons ensemble », c'est le mot à l'origine du mot « synergie » en français. La synergie, qu'est-ce que c'est? C'est que quand vous avez deux personnes avec des habiletés différentes qui font des choses chacune de leur bord, lorsqu'ils travaillent ensemble, ils font plus ensemble qu'ils pourraient faire séparément. Leurs habiletés vont ensemble pour faire un travail plus excellent. Paul travaille avec le Seigneur, une synergie. Puis Paul a toujours été étonné et reconnaissant d'être co-veillé avec Dieu. Je le suis constamment. Pourquoi Dieu te permet cela? Ça fait 57 ans que je suis à l'œuvre de Dieu. J'ai fait des erreurs. Parle avec mon épouse, vous parlerez de mes imperfections. Elle les connaît bien. Je suis papa. Pas été imparfait, un papa parfait. Je suis grand-parent et j'ai même des erreurs, un arrière-enfant, arrière-petit-enfant et demi, qui s'en viennent là, prochainement. Imparfait. Couvrir avec Dieu, quel privilège. Et ça lui a donné la force de continuer pendant les moments difficiles. Quand ça va mal dans l'œuvre de Dieu, vous êtes découragé. N'oublions jamais que vous n'êtes pas seul. Vous êtes co-ouvrier avec Dieu. Vous travaillez en synergie avec Dieu. Dieu vous utilise. Moi, être Dieu, j'aurais choisi d'utiliser les anges. Il me semble qu'ils auraient été plus compétents. Les anges saints ne sont pécheurs comme nous le sommes. Mais Dieu a choisi les hommes, les femmes, les êtres humains. Il m'a choisi, imparfait que je suis, puis c'est un privilège. Je suis constamment étonné, puis Paul a été étonné. Et nous aussi, quand nous servons le Seigneur, nous travaillons ensemble avec lui, c'est un privilège. Ça nous aide à être persévérants. Un plaidoyer. L'église de Corinthe était remplie de péchés et de fausses doctrines. Toutes sortes de choses, l'inceste, l'immoralité, des fausses doctrines. Et Paul avait des raisons de douter du salut de certains membres de l'Église. Peut-être qu'il y avait des personnes là qui n'étaient pas même croyantes. Puis, il avait certainement raison de douter de leur sanctification. Puis, une sorte de problème dans cette Église-là. Et Paul cite l'Ancien Testament plus précisément Ésaïe 49, verset 8, pour appuyer son plaidoyer. En Ésaïe, l'appel s'est fait dans le contexte du salut des non-juifs. Et la répétition deux fois au verset 2, « voici maintenant », nous aide à comprendre que l'appel de Dieu est urgent. Paul nous dit qu'il est dangereux de négliger, de retarder ou de procrastiner lorsqu'il est question de répondre à l'appel de Dieu. Moi, j'ai des imperfections, juste des petites imperfections. Là, voilà. Une de ça, c'est la procrastination. Quand j'ai le goût de faire quelque chose, j'y mets, mais quand je ne veux pas faire quelque chose, je le remets à demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine, ou l'année prochaine. Puis, négliger de répondre à Dieu, c'est dangereux. Alors l'Éternel dit dans Genèse 6, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. » Hébreux 3 nous dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » J'ai une petite fille qui a maintenant 13 ans. Ses deux grandes sœurs suivent le Seigneur vraiment avec tout leur cœur. Puis elle est une bonne personne, elle va à l'église, c'est une grande musicienne, elle aime aller à l'église, elle aime les groupes de jeunes, obéissante à ses parents, excellente élève, mais elle ne voulait pas servir le Seigneur. Moi, je lui ai parlé au mois de mai, je pense, puis elle me dit, « Grampy, je vous admire beaucoup, j'admire maman et papa, j'admire mes sœurs, puis je connais la Bible, mais ce n'est pas pour moi. » J'étais inquiet. Puis, elle était à Word of Life, Parole de vie à Scroon Lake au mois de juillet, je pense. Puis avant qu'elle parte, j'ai parlé, puis j'ai dit, je ne dirai pas son nom, mais je dirai simplement ceci, ce n'est pas intellectuel ton affaire. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas. Tu me donneras tous les arguments que tu veux, mais ce n'est pas ça ton problème, c'est que tu ne veux pas suivre le Seigneur parce que tu veux mener ta propre vie. Ça, c'est ton bobo. Puis, j'ai dit, pendant que tu vas là-bas, au camp, ils ont des chevaux, elle aime beaucoup les chevaux, moi, je vais prier que si le Seigneur te parle, que tu répondes. Puis, c'est, ça presse. Mais elle est revenue la semaine après, dimanche après-midi, lundi soir, il fallait qu'elle vienne chez nous. Puis elle est rentrée dans ma maison, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit, « Pap, grand-papa, j'ai donné mon cœur à l'Éternel. » La première soirée au camp. Et si le Seigneur vous parle, répondez vite. Parce que, à un moment donné, quand vous ne voulez rien savoir, le Seigneur, il arrête de parler. Troisièmement, évitez d'être en scandale, dans le verset 3. Paul utilise deux négatifs très forts, traduits en quoi que ce soit. Non, non. Mais en grec, deux négatifs comme ça, c'est rare et c'est vraiment emphatique. Paul voulait vivre de manière à ce que sa vie ne présente aucun scandale. Aucune pierre d'échappement qui pourrait empêcher que des personnes acceptent l'Évangile. Paul est en train de dire, rien dans ma vie ne vous donnerait une excuse pour rejeter l'Évangile. Nous devons chacun de nous avoir la même préoccupation. Paul avait accusé les Juifs en disant, le nom de Dieu est blasphémé par les nations à cause de vous. Ça, c'est la réputation de vous, les Juifs, que vous prétendez être le nom de Dieu. Le mot « juif » veut dire « louange », dans le sens que le Juif doit louer Dieu. Et malgré votre nom, malgré votre profession et votre connaissance et votre possession des Saintes Écritures, les oracles de Dieu, votre nom est blasphémé, vous avez un mauvais témoignage. Dans mes années dans l'œuvre de Dieu, j'ai vu des leaders tomber dans l'immoralité, dans le scandale, puis ça a ruiné des églises, puis ça a donné aux jeunes une excuse pour pouvoir suivre le Seigneur, puis ça a affaibli les chrétiens, de décourager les chrétiens. Le Seigneur vous demande d'être un exemple. Il n'y a peut-être rien de plus important que ça dans votre persévérance, puis être un exemple. Vous n'avez peut-être pas une très grande connaissance. Vous êtes peut-être limité dans certains domaines de votre vie, mais vous pouvez être un exemple. Hein? Puis Paul dit, mon but, c'est de jamais être en scandale, d'être un exemple. Quatrièmement, l'endurance, la patience, l'âme, le cœur même de son message. Paul nous enseigne ici que la plus grande démonstration de la puissance de Dieu dans la vie de ses serviteurs, ce n'est pas l'absence de souffrance ou la présence de miracles, mais la patience ou l'endurance dans les peines, les souffrances et les persécutions. Dieu enrichit la vie des personnes qui bénéficient du ministère de ceux qui sont éprouvés. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire que dans le monde évangélique, on a des chrétiens qui aiment le Seigneur, qui peuvent être des modèles pour nous dans certains domaines, qui sont différents de nous, mais Dieu n'a pas tout fait des fleurs bleues, il en a fait des roses puis des jaunes, puis je peux tolérer que des chrétiens différents de moi. Mes chers amis, l'idée qu'il faut des miracles, puis que si on est enfant du Seigneur, on ne souffre pas, on n'est pas malade, puis si on est enfant du Seigneur, mais on va être riche, ça n'a rien à voir avec la vie chrétienne. C'est des faux buts, ça, qui finissent par affaiblir la vie chrétienne. Et vous êtes leader, vous allez probablement souffrir. Bon, moi, j'ai appris dans ma vie une des leçons que je n'aime pas. J'aimerais ça que ce ne soit pas comme ça. Si j'étais un archange, je dirais qu'on devait peut-être changer des choses. Mais Dieu a décidé de rendre mûr, de faire grandir, de qualifier ses serviteurs par la souffrance. Okay? Dieu utilise la souffrance pour créer la maturité et rendre ses enfants propres pour le ministère. Et notre Seigneur Jésus-Christ a souffert. Et si notre maître a souffert, qui sommes-nous pour dire que ça ne nous arrivera pas? Puis qui sommes-nous pour dire, oui, mais pourquoi Dieu? Puis c'est pas correct, puis pourquoi? Écoute, moi je fais des pierres sur les reins régulièrement. On m'appelle pour mon petit nom à l'hôpital. Quand je vais à l'urgence, ils me connaissent. C'est souffrant. Puis j'aimerais pas que ce soit comme ça. Je ne veux plus en avoir. J'espère que je n'aurai jamais plus un autre. Ça fait, j'ai eu quatre pierres dans 18 mois, sur une période, puis opéré deux fois parce que je ne voulais pas sortir. Puis j'aime pas ça. Mais j'ai pris des leçons. Patience. Hein? Alors, Paul dit que l'endurance, la patience. Et le but de Paul n'est pas le renouvellement des sentiments de Corinthiens ici, mais l'engagement renouvelé de leur part envers l'Évangile qu'ils prêchent de leur part. Okay? Mais comme leader, son exemple, c'est que dans la souffrance, il a persévéré. La patience de Paul dans la souffrance démontre que sa vie et son ministère travaillent ensemble avec Dieu afin de répondre à l'appel de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. J'ai vu des personnes abandonner le Seigneur lorsqu'ils ont souffert. Je pense à une personne qui s'appelle Robert, qui était dans une église où j'enseigne, qui a eu le cancer de prostate. Puis malgré l'opération, ça n'a pas été. Il est mort il y a quelques mois. Et quand il a eu le cancer de prostate, il a abandonné le Seigneur. Si Dieu m'a fait ça, je ne veux rien savoir de Dieu. Triste. Les stoïciens, qui étaient un groupe de philosophes en grec très populaire à l'époque, une école de philosophie populaire, se vantaient beaucoup de leur capacité à supporter la souffrance. Ils se mettaient dehors nus, dans le froid, dans la neige, sans manger, avec des blessures pour montrer « moi je suis tough ». Puis mon père était chef dans la marine, il y avait sous ses ordres des centaines d'hommes sur un porte-avions, puis mon père était tough. très, très tough. Je n'ai pas le temps de vous raconter des histoires de la Deuxième Guerre mondiale où il a beaucoup souffert. Mais mon père était fort puis tough. Il avait des bras comme ça. Je le sais très bien. Il y avait six garçons, puis on était comme des hommes qui travaillaient pour lui. Même si Paul utilise des fois une forme de structure littéraire familière pour ceux qui lisaient sa lettre semblable aux stoïciennes, nous verrons que la source de son endurance est très différente de celle des stoïciennes qui étaient basées sur l'orgueil. Hein? Moche. Oh, moi, je suis tough. Pas ça, Paul. Puis dans les versets 4 à 5, il présente trois groupes de trois aspects négatifs de son ministère. Et si vous êtes dans le travail du Seigneur d'une façon quelconque, et ça va mal, mais écoutez la vie de Paul, un des serviteurs par excellence du Seigneur. Dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, faisait des tentes la nuit pour pouvoir prêcher le jour, dans les veilles, dans les jeûnes, pas jeûner parce qu'il voulait jeûner, c'est parce qu'il n'y avait rien à manger. Hein? Et dans les versets 6 et 7, on présente trois groupes de trois aspects positifs. Par la pureté, par la connaissance, peut-être qu'on devrait traduire sagesse ici, par la longanimité, patience à long terme. Très facile de servir le Seigneur à court terme, très facile de bien commencer, plus difficile de bien terminer. Moi, je suis 78 ans, bientôt mon ministère va terminer. J'ai rencontré mon fils et les anciennes des 12 églises où je sers le plus, puis je leur ai dit, si je commence à faire des folies en avant, vous me le dites. Mon beau-père, à un certain âge, a dit à ses deux fils, puis ses deux beaux-fils, tous les quatre actifs dans l'œuvre de Dieu, puis il leur a dit, j'ai connu des hommes qui ont fait du bon travail pour le Seigneur pendant 50 ans, puis ont tout défait qu'est-ce qu'ils avaient fait de bon dans les trois dernières années de vie, parce qu'ils ont fait des folies dans leur vieillesse. Je ne ferai pas ça, si ça ne va pas bien en public, vous me le dites. Puis, à un moment donné, mes deux beaux-frères, ses fils, l'ont rencontré, puis ont dit, papa, tu ne devrais plus aller en public. Okay? Alors, moi, j'espère que j'ai des amis et des anciens dans ma vie qui vont être assez gentils pour me le dire un jour. Vous pouvez peut-être me le dire après, je ne sais pas. Longanimité, long terme. Par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives. Vous ne le voyez pas dans le texte dit « main droite, main gauche ». Mais dans l'Empire romain, pour Paul, autour de lui, il y avait plein de soldats. Qu'est-ce que le soldat avait dans la main droite? Une épée. Offensif. Qu'est-ce qu'il avait dans la main gauche? Un bouclier. Défensif. Vous voyez la métaphore ici. Hein? Armée, offensif et défensif. Je pense que j'ai mis, oui, en couleur au milieu. Dans une structure comme ça, dans une parole de Dieu, quand vous avez une liste comme ça de plusieurs aliments, souvent, pour ne pas dire toujours, l'aliment clé est au milieu. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de cette liste de groupes d'aspects positifs? Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Tout ça est possible par Paul, non parce que c'est un bon gars, mais parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en lui. Et cet même esprit de Dieu qui habitait dans l'apôtre Paul, habite aussi en nous. Puis on peut être persévérant à cause de cela. Il y a des paradoxes. Dans le verset 8 à 10, 8 façons dont il est dénigré par des personnes mal informées qui le jugent. J'aime pas qu'on dise de moi des choses qui ne sont pas vraies. Il a été mon expérience que parfois, on m'accuse des choses. Il y a bien des choses dont on peut m'accuser, puis c'est vrai. Mais il y a des choses que ce n'est pas vrai, puis m'accuser de cela. Puis je dois vous dire que ça me met en colère. Je ne suis pas de bonne humeur. je réagis contre cela. C'est pas sage de ma part, là, puis je suis en train de m'en vanter plutôt que j'ai hâte de ça un petit peu. J'ai fait du mal à moi-même, puis à ma famille, puis à l'œuvre de Dieu, en voulant trop me défendre des fois. Mais voilà, si on a dit des choses contre moi qui ne sont pas vraies, là, puis si ça va vous arriver, si vous servez le Seigneur, des fausses accusations, c'est certain que ça va arriver. Mais l'apôtre Paul, il fait une grande liste ici, de cela. 9. Puis regardons-les. Au milieu de la gloire ou du déshonneur. On l'a déshonoré. Probablement qu'il y avait une maladie aux yeux qui le rendait déplaisant à voir. Il n'était pas grand. Peut-être que ce n'était pas un grand orateur. Déshonoré. Au milieu de la mauvaise ou d'une bonne réputation. Pour certaines, il les avait amenés au Seigneur. Le Seigneur lui avait donné des révélations sur sa volonté, sur le salut, sur la personne de Dieu, toutes ces choses-là. Il avait certainement une grande réputation. Mais à Corinthe, on disait de lui, c'est même pas un apôtre. Il amène un faux évangile. Considéré comme des imposteurs, quoique disant la vérité. Les judaïstes... il y avait un gnosticisme naissant qui disait que la matière n'est pas bonne, puis l'esprit est bon, puis Jésus n'avait jamais eu un corps, puis Jésus n'est pas mort. Cette doctrine-là, qui a fait beaucoup de troubles dans l'Église une centaine d'années plus tard, déjà existait chez les Grecs dans une certaine mesure, certainement dans l'épître aux Colossiens, puis ici en Corinthiens, on le voit. Puis on dit que Paul... disait des choses fausses. Comme mourant et pourtant nous vivant, on a presque mis à mort à quelques reprises, lapidé, fouetté. Il y a un endroit dans le livre des Actes que je ne suis pas certain s'il est mort, que Dieu l'a ressuscité ou non. Je ne suis pas certain, je ne peux pas dire exactement, mais il était très près de mort certaine. Condamné, pourtant pas mis à mort. Attristé, et pourtant nous sommes toujours joyeux. Je connais des personnes qui souffrent beaucoup, qui sont joyeux. Mourant de cancer, joyeux. Malade, toujours le nom du Seigneur dans leur bouche, toujours la joie dans leur bouche malgré les souffrances. Mon épouse te dirait que quand je souffre, je suis toujours aussi gentil que quand je ne souffre pas, et que je dis jamais des mauvaises choses. Non, c'est pas moi ça. Comme pauvres, et pourtant nous enrichissons beaucoup. Paul aurait pu être riche. Dans l'île de Corinthe, il a travaillé la nuit. C'est coudre avec une corde rude dans une grosse linge, textile épais. Puis les coudes, c'était dur sur les doigts, ça. Il devait y avoir des cicatrices partout. Il aurait pu être riche, il aurait pu exiger d'être payé dans ces églises. S'il avait fait des collectes spéciales, je suis certain qu'on lui aurait donné de l'argent, mais il a dit non. Moi, j'ai travaillé pour pouvoir mes propres mains, par mes propres mains, mes besoins. Puis il en a enrichi beaucoup avec l'Évangile. Comme ayant rien, alors que nous possédons tout. Je ne suis pas riche, mes chers amis. Moi, je conduis une Camry 2007, puis une Camry 2017, plus que 200 000 km chacune. Au ciel, je vais avoir un Tesla ou un Rolls-Royce, je ne sais pas lequel. chers amis, j'ai eu le privilège de voyager souvent au Congo pour enseigner, en Haïti aussi. Puis j'ai vu la pauvreté. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et nous sommes tellement riches ici, le plus pauvre de nous est extrêmement riche. Mais on est tellement influencé par le Québec dans lequel on vit, par le matérialisme. Puis on a besoin absolument de choses qui n'existaient pas. Je n'ai pas vu que ça, là, si vu que ça. des choses qui n'existaient pas quand j'étais petit gars sont absolument prioritaires, puis on a absolument besoin de ça aujourd'hui. Ma mère, qui avait en même temps 3 bébés en couche, faisait un bébé par nez, elle. Ma mère a eu son premier bébé à l'âge de 15 ans, le dernier à 47 ans. Puis elle lavait les couches dans un bassin, dans l'eau frette. Nous autres, on avait une toilette dehors. Je ne dirais pas le mot québécois impoli, là. 3 sièges. Puis l'hiver, il était frais, ces sièges-là. Puis on utilisait le papier journal. Bon. Puis aujourd'hui, l'autre jour, j'ai acheté 2 paquets de papier sanitaire chez Costco parce que j'avais peur d'en manquer. Ma femme riait de moi. Ah, oh, chers amis, attention au matérialisme. Il fait frais au Québec. On a besoin de maison, on a besoin d'huile ou d'électricité pour chauffer. On ne peut pas coucher dans les igloos. Mais attention, l'apôtre Paul dit, moi, je n'ai pas grand-chose, mais je possède tout. Puis vous possédez tout. Puis arrêtons de chercher notre bonheur dans des possessions sur la terre. Enfin, réconciliation. Paul démontre son caractère et son leadership en ce que même s'il n'a rien fait de mal, il prend l'initiative pour se réconcilier avec les membres de l'Église de Corinthe. Il y a un frère qui est blessé. Il ne dure pas plus que ça. Je ne l'ai pas blessé. Il est dans une situation difficile. Je n'ai rien à voir là-dedans, mais rien. Mais c'était un bon ami à moi. Puis il est charqué avec moi, je le sais. Il l'a dit à d'autres. Et c'est dans mes projets d'aller le voir la semaine prochaine. Puis je n'ai pas envie d'aller le voir. Okay? C'est la dernière chose que je vais faire, que je veux faire. Je ne dormirai pas, probablement pas la nuit avant d'y aller le voir. J'y vois en crainte et tremblement. Il va probablement crier après moi, je ne sais pas. C'est lui qui devait venir me voir. L'Église de Corinthe devait aller voir Paul, envoyer une lettre d'excuse, envoyer un messager avec des excuses. Paul avait raison, l'Église avait tort, mais Paul prend l'initiative pour se réconcilier. Quel exemple! Quel exemple! Paul appelle rarement ses lecteurs par leur nom. Lisez les épîtres, vous allez voir qu'il appelle rarement les gens par leur nom. À l'Église de Galates, qui était rendue dans une presque hérésie, il dit « aux Galates, dépourvus de sens ». Aux Philippiens, il dit, vous savez vous-même, Philippiens, dans l'Église qui est à peu près la seule Église qui l'a soutenue généreusement. Puis ici, aux Corinthiens, mais on ne le voit pas nécessairement dans la Bible de Seconde, dans la Bible d'Arby qui est plus exacte, on le voit le titre, aux Corinthiens. Je me souviens d'avoir parlé avec un de mes enfants quand ça allait mal, je dis, oh mon gars, oh ma fille, qu'est-ce qui se passe? C'est avec angoisse, avec affection, avec toutes sortes de sentiments, puis Paul dit, oh, aux Corinthiens. Paul leur parle ici de ses tripes. Il diverge toutes ses émotions. Remarquez sa volonté de Paul, sa bouche est ouverte. Il ne cachait rien de leur qui leur serait utile pour leur développement, de leur croissance. Aujourd'hui, c'est difficile de parler des choses qui ne sont pas populaires, n'est-ce pas? Même si ça peut déranger, un vrai berger doit parfois dire des choses peu agréables à ses brebis. Un berger a besoin de courage et de sagesse. Les brebis doivent apprendre à écouter et à accepter. Il y a un gars dans ma vie que j'aime beaucoup. Il semblerait qu'il ait une maladie quelconque. Il ne peut pas travailler apparemment. Il est brillant. Il a un excellent métier, très bonne formation. Mais il est sur les services sociaux pour le reste de ses jours. Je pense qu'il a fait un choix. J'ai l'impression qu'il aurait pu travailler. Je suis sûr que je suis mal fait pour juger les autres. Ma femme vous dirait que les beaucoup d'années, je dormais 2 à 3 heures par nuit, puis je travaillais 22 heures par jour, 21 jours par jour, l'année longue, pendant des années. Aujourd'hui, je paye peut-être le prix, je ne sais pas. Mais ce gars-là, il lâche. Excusez-moi, il est paresseux. Puis, il veut emprunter de l'argent à tout le monde, Puis il veut toujours acheter quelque chose, puis payer plus tard. De sorte que lorsqu'il reçoit l'argent du gouvernement une fois par mois, puis il a déjà dépensé. Vous comprenez, là? On lui a refusé des cartes de crédit, puis c'est une bonne chose. Dernièrement, il voulait acheter une Bible très chère. Il y a plein de Bibles chez lui. Puis il a demandé à la publication chrétienne, est-ce que je peux vous payer tant par mois? On a dit, laissez-nous penser. Cette semaine, je vais le rencontrer, puis j'ai dit, je ne vais pas dire son nom, je vais dire, tu devrais prendre à mettre 10 $ par mois par, pendant 10 mois, pour avoir 100 piastres pour acheter cette Bible-là, dont tu n'as pas besoin tout de suite. Vous me comprenez? Il ne sera pas content. Il va me bouder pendant 2 mois. Ils ne connaissent pas la première fois que je parle. Mais je vais le faire, pour son bien. Puis Paul ici parle aux personnes. Il ne cache pas la vérité. Remarque, il prend quand même l'affection de Paul. Notre cœur est élargi. Vous n'êtes pas les trois. Mon cœur est grandement ouvert pour vous. Ce n'est pas restreint. L'attitude des Corinthiens avait profondément blessé Paul. Mais il n'est pas devenu amer. Il les aime toujours. Ça, c'est donc difficile d'aimer quelqu'un qui nous a fait mal. Il ne cherche pas la vengeance. Il cherche encore leur bien. Voilà, chers amis, l'attitude de vrai berger. Oh, nous avons besoin de bergers dans nos églises. Je ne parle pas nécessairement de quelqu'un qui a une titre et qui est en plein dans l'église et tout cela. Je parle de bergers dans l'église qui aiment le peuple de Dieu, qui prend soin, qui ont la compassion, l'amour du peuple de Dieu. Que le Seigneur nous donne beaucoup de bergers dans nos églises. Un amour non réciproque fait très mal. Pas facile aimer quelqu'un qui ne retourne pas notre amour. Le plaidoyer de Paul au verset 13, « Je vous aime, répondez à mon amour par votre amour. » Paul leur donne le bénéfice du doute concernant leur salut, mais il les exhorte à répondre à son amour pour eux. La profonde souffrance de Paul ici qui souffre devant l'attitude des Corinthiens est l'évidence même de la pureté de ses motivations dans son amour pour ses enfants spirituels. Conclusion. À un moment donné, je vais terminer. Vous voulez servir le Seigneur? J'espère que chacun de vous, vous voulez servir le Seigneur, dans un aspect différent. L'Évangile exige que celui qui annonce l'Évangile incarne les vérités centrales de la mort et la résurrection du Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Nous devons mourir à soi-même, mourir à ce monde. Mourir aux attitudes de ce monde, puis vivre la vie ressuscitée du Christ. L'autorité morale du ministère de Paul, qui défend à plusieurs reprises devant les Corinthiens, se base sur le fait que la mort du Christ est reproduite, pour ainsi dire, dans la mort comme les souffrances encourues dans le ministère et dans la résurrection, c'est-à-dire la délivrance de ces souffrances pour la puissance de Dieu. Que ce soit ainsi pour nous aussi. L'endurance, patience plus que la souffrance. N'importe qui peut souffrir pour toutes sortes de raisons. Subir la souffrance ne prouve rien. Une preuve de maturité chrétienne et de compétence pour être leader chrétien, c'est la patience à travers la souffrance. Hein? Persévérance. Vous voulez être leader? Vous allez probablement subir le rejet, l'incompréhension, vos accusations, trahison par les amis, la souffrance. Et vous devez répondre par l'amour, je dois répondre par l'amour envers ceux qui sont injustes envers nous et par la persévérance. À long terme, l'attitude que vous allez démontrer dans la souffrance vous donnera l'autorité spirituelle nécessaire pour faire l'œuvre de Dieu. Notre Seigneur a été rejeté, maltraité. Pourquoi pensez-vous échapper à cela? Puis enfin, ceux qui assistent et qui sont membres de cette Église, ne soyons pas comme les Corinthiens. Vous avez de nombreuses raisons pour aimer et pour apprécier vos bergers, même s'ils sont imparfaits. Nous allons prier. Merci notre Dieu pour l'exemple que ton Fils a donné dans la persévérance. Oh, qu'il a souffert. Il est venu aux siennes, ils l'ont rejeté. Il a annoncé la vérité, puis l'a accusé de fausse doctrine. Il a guéri, il a fait des miracles, puis l'a accusé de faire ces miracles-là pour la puissance de l'ennemi, par Satan. On l'a méprisé, on l'a rejeté, on l'a crucifié. On s'est moqué de lui. Il était persévérant. Il a persévéré jusqu'à la croix. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, tes enfants. Merci pour l'exemple de l'apôtre Paul. On peut penser à Moïse, à Jérémie, Ésaïe, dans l'exemple dans la Bible des personnes persévérantes. Nous crions vers toi, Seigneur. Pour certains de nous, c'est facile de lâcher. Pour certains de nous, c'est facile d'abandonner, de se décourager. Donne-nous de persévérants. Par ton Saint-Esprit qui nous habite, aide-nous à nous fortifier par ta parole aussi, d'être obéissante, parce que tu mérites qu'on soit tes serviteurs et tu mérites qu'on soit persévérant dans ton service. Aide-nous, Seigneur. Nous te louons au nom de Jésus.